Cours numéro 26. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala l'imam ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, dhikru al-hathi ala l'uzumi al-qana'a. Dans ce 26e chapitre, l'imam Abu Hatim, rahimahullahu ta'ala, il a cité هذا الخلق الطيب والخصلة العظيمة القناعة. كما تقدم معنا هذه القناعة. القناعة c'est le fait de se suffire de ce qu'on a et d'accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a qadr pour nous. هذه القناعة ça va nous empêcher de tomber dans les mauvaises caractéristiques, dans les défauts cités précédemment. At-tama' wa al-mas'ala. Étendre la main aux autres, alors que l'insan, il peut s'en passer. Il a cité هذا الباب. قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل. الحديث إلى في صحيح البخاري وتقدم معنا كثيرا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. إلى ستة حديث هنا رحمة الله عليه في هذا الباب في لزوم القناعة. لماذا؟ لأن الغريب l'étranger وعابر وعابر نعم السبيل le voyageur فلا شك أنهم ils vont se suffire de très très peu. لماذا؟ لأنهم ils sont pas في دار إقامتهم, ils ne sont pas dans un lieu qui compte rester. Donc ils vont se suffire de très peu. Hatta ce moment, ils passent. Thumma yantaqiluna ila baladihim. Falihada qala rahimahullah ibn Hibban. Faqad amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ibn Umar. Fi hadha al-khabar. An yakun fi dunya ka'annahu ghariba wa abir sabil. Faka'annahu amarahu bil-qana'a bil-yassir min al-dunya. C'est pour ça qu'il a cité ce hadith huna. Même si dans ce hadith, al-qana'a, elle n'est pas clairement citée. لكن كما قال فكأنه أمره بالقناعة باليسير من الدنيا. أي كن في الدنيا sois dans cette dunya comme si tu étais un étranger ou un homme de passage. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصني ابن عمر رضي الله عنهما هذه القناعة. أي pour cette dunya contente-toi du peu comme le voyageur. Et كذلك comme l'étranger. قال إذ الغريب وعابر السبيل يقصدان في الغيبة الإكثار من الثورة أو لا يقصدان لا يقصدان في الغيبة الإكثار من الثروة بل القناعة إليهما أقرب من الإكثار من الدنيا. نعم صاصي حال المسافر حال الغريب أنه il se suffit de très très peu que ça soit dans le logement, que ça soit dans la nourriture, que ça soit dans beaucoup de choses. لماذا؟ لأنه il sait أنه il est que de passage. Il sait أنه c'est un court moment. ثم il retournera dans son pays. Et bien sûr l'insan chez lui là, en général il a plus de confort que à l'extérieur. هذه هي المناسبة. C'est pour cela que l'imam ibn Hibban رحمه الله il a cité ce hadith هنا. Il y a des autres hadiths où القناعة elle est citée clairement. Et on peut lire un de ces hadiths min kitab Bahjatu Quloub al-Abrar wa Qurratu Uyun al-Akhbar de Cheikh Abdurrahman al-Si'di rahimahullahu ta'ala. Il a cité ce hadith dans ce kitab, un kitab nafis jiddan. Dans ce livre, il a cité 99 hadiths et des hadiths qui englobent beaucoup de sens min jawami' al-Kalim. Il ressemble à Al-Arba'in al-Nawawiyya de l'imam al-Nawawi, lakin il a cité plus de hadiths, 99. Dans le 73e hadith, قال رحمه الله في الكفاف والقناعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الحديث اللي في صحيح مسلم. Dans ce hadith, الحديث العظيم الجامع, النبي صلى الله عليه وسلم il a cité certaines causes pour الفلاح, pour la réussite. قال الشيخ سعدي رحمه الله: حكم صلى الله عليه وسلم بالفلاح لمن جمع هذه الخلال الثلاث. Celui qui englobe, qui fait des efforts pour avoir ces trois points, فبإذن الله عز وجل il fera partie de ceux qui ont réussi في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب والسلام من كل مخوف مرهوب. الفلاح يترجم par la réussite en arabe, c'est un nom, اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب, c'est un nom qui englobe tout ce que الانسان désire il aime. والسلام et كذلك tout ce que on s'écarte de tout ce que il peut nous nuire, tout ce qui peut nous faire du mal. Al-Falah, c'est la réussite. La réussite, c'est cela. C'est des choses qui te seront profitables, que tu aimes. Et Kadalik, c'est que les mauvaises choses, elles ne te touchent pas. Enfin, Had al-Falah, parmi ces causes, ces trois points que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité dans Had al-Hadith. قال وذلك أن هذه الثلاث جمعت خير الدين والدنيا. نعم, le bien du din et كذلك de ce bas monde, ils sont rassemblés dans ces trois points. قال فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب. Ça c'est le premier point, l'islam. On répète, قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم, a réussi celui qui rentre في هذا الدين العظيم, celui qui devient muslim. Qala rahimahullah wa hasala. Donc le premier point, cheikh Saadi rahimahullah, il l'a expliqué brièvement. Qala wa huwa madar al-fawz. Naam. Tout le bien et la récompense de cet être humain yawm al-qiyamah, ça sera par rapport à ce point. Est-ce que c'est un muslim même là? Kadhalik, il risque le châtiment par rapport à son niveau fi hadati. Et celui qui n'est pas musulman, forcément il sera châtié. Ça c'est le premier point. قال وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن سؤال الخلق. On voit directement le lien avec le cours précédent et le fait de tendre la main, de demander aux autres. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح, a réussi من أسلم, celui qui devient muslim. وَرُزِقَ كَفَافًا. وَرُزِقَ كَفَافًا أي il a من الرزق, من رزق الله عز وجل, ce qui lui suffit. Il n'a pas besoin de demander aux autres. لكن هذا bien sûr, c'est s'il a le troisième point, s'il a القناعة. فلهذا قال رحمه الله ثم تمم الله عليه النعمة بأن قنعه بما أهده. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné min al-rizq, ce qui lui suffit. Un logement, de quoi manger, de quoi se vêtir. Walillahi alhamd. Fa hadha li fi khayr azim. Si il prend soin de son din et il fait des efforts dans son din, il est fi khayr azim. Hadha il réussira bi idnillahi azza wa jalla ici-bas et dans l'au-delà. Lakin avec ce troisième point. Wa qanna'ahu Allah bima ata. S'il a cette qana'a, قال الشيخ سعدي رحمه الله بأن قنعه الله بما آتاه أي حصل له الرضا بما أتي من الرزق والكفاء. أي il est satisfait. Il est satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. C'est ça le qana'a. Ce point, ce 26e chapitre, c'est هذا, c'est الرضa. C'est accepter, être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et si on l'accepte et si on le satisfait, alhamdulillah, on ne perdra pas notre temps pour avoir toujours plus. Et عياذا بالله oublier son din et كذلك tendre la main aux autres. تستفيد ماذا؟ أن celui qui s'écarte de ces trois points, plus il s'écarte de ces points, plus il sera perdant. Celui qui délaisse l'islam, qui quitte l'islam, là chacun d'entre eux il aura al-khusran al-mubin, il sera perdant ici-bas et dans l'au-delà. Et كذلك les deux autres points, celui qui n'a pas هذا هذه القناعة والكفاف فلا شك أن يستفغ المال. فحديث عظيم. قال رحمه الله: ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك. هذا un point important. أن المسلم الذي رزقه الله سبحانه وتعالى même si c'est peu لكن إلى هذه القناعة il ne cherche pas toujours plus. لأن ce plus celui qui le recherche là je sais que ça va demander des sacrifices. Et كذلك بعض الناس vont tellement loin qu'ils sont obligés de faire des concessions dans leur dîn alors que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donné de quoi leur suffire. لكن pour avoir هذه القناعة vous avez remarqué que c'est lié directement à aqidat al-muslim. Celui qui a une aqida, il est sûr, il n'a aucun doute. Et comme on a dit, il connaît la valeur de cette dunya. Cette dunya ne vaut rien عند Allah Azza wa Jal. Ben c'est une fitna, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour voir est-ce que notre objectif réel, c'est vraiment l'au-delà amla. Enfin, celui qui a cette aqida, et son objectif, c'est l'au-delà. Et كذلك on revient au hadith que l'imam Nuhibban l'a cité كن في الدنيا كأنك غريب. كذلك il applique cette wasiya, ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anna pour lui ce bas monde c'est qu'une étape, c'est comme si c'était un voyageur. Là chacun il va pas perdre son temps. Il va pas perdre son temps, il y en a ce peu qui lui suffit. Ses provisions pour ce voyage dans cette dunya, c'est que des causes et son objectif c'est l'au-delà. Là il avancera. Il avancera et il fera partie de هؤلاء المفلحون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح. Et vu que nous en tant que croyants, on espère tous la réussite. Notre objectif c'est tous la réussite. La véritable réussite c'est هذه. Vous avez remarqué que par rapport aux personnes, par rapport à l'éducation, par rapport au niveau de science, par rapport à l'environnement dans lequel l'insan vit, il aura une définition, une conception de الفلاح. بعض الناس pour eux الفلاح c'est quoi, la réussite c'est quoi, pour eux c'est avoir une voiture, une maison et avoir un gros salaire si possible, c'est ça الفلاح. Hatta on le voit chez certains parents à cause de l'ignorance et une éducation qui n'est pas conforme à la sunna, pour eux la réussite c'est que leur enfant il travaille, il a un diplôme, il a une voiture, il a une maison, c'est ça la réussite. Walou c'est pas un musulman, walou il a pas هذا الكفاف والقناعة, بل certains c'est eux qui vont pousser cet enfant à avoir toujours plus. Ah là, il est perdant. Il est perdant. Il est totalement perdant, bien sûr, si ce n'est pas un musulman. Ah là, c'est un bab azim et muhim. Et on doit essayer de, bien sûr, nous faire nos efforts des efforts fi hada, et kadhalik éduquer nos enfants à la hada, al-qana'a, et leur apprendre, leur enseigner la véritable réussite. La réussite, ce n'est pas dans le haram. La réussite, c'est pas courir après l'argent. La réussite, c'est pas passer toute sa vie pour un diplôme et oublier son dîn. C'est pas cela la réussite. La réussite, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'islam, la base de l'islam, c'est at-tawhid. C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est ça la réussite. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui s'écarte du shirk, il a réussi. Wallahi, wala aussi, il mange du pain et de l'eau. C'est ça la véritable réussite. Ça ne veut pas dire, on le répète, que l'insan ne fait pas d'efforts. Al-qana'a, ça ne veut pas dire que l'insan ne fait pas d'efforts fi dunya. Abadan. Abadan. Là, al-qana'a, ça veut dire que si tu as de quoi te suffire, fais attention de ne pas courir après les biens mondains de cette dunya et oublier ton din. Mathalan, ba'dahum la yaqna'a. Il a un travail, il a un bon salaire, il veut toujours plus. Ce deuxième travail, il l'empêche de faire as-salat à l'heure. Ce deuxième travail, il l'empêche de se réveiller pour Salat al-Fajr. Ce deuxième travail l'empêche de voir ses parents. Ouais, hakada une fitna, yadam billah. Hatta cet homme ou cette femme, ils ont été créés que pour cette dunya. C'est quoi? Une des causes, c'est le manque de qana'a. Qala, rahimahullah, fa inna al-naqs bifawad hadhihi al-umur al-thalatha ou ahadiha imma an la yuhda lil-islam. فهذا مهما كانت حاله فإن عاقبته الشقاوة الأبدية. Celui qui a un manque dans un de ces trois points qui sont cités dans ce hadith qu'on vient de lire, un manque où il délaisse complètement ces trois points, encore plus le premier. مثلا شيخ سعدي l'a dit لا يهدى للإسلام, il n'est pas guidé à l'islam. فهذا كما قال مهما كانت حاله quelque soit sa situation, il peut être millionnaire, il peut avoir des voitures, des maisons, une belle situation, un travail, etc. فعقبته, sa fin, ça sera quoi? Ça sera الشقاوة, الأبدية, éternellement. نعم, s'il meurt à هذه الحالة, à الكفر, qu'est-ce qui va emporter avec lui dans sa tombe? Voilà, Shay. C'est pour ça que c'est très très important, يا إخوان, de دائماً se rappeler l'au-delà. C'est pour ça que dans le Coran al-Karim, beaucoup de versets, c'est sur l'au-delà. Pour nous rappeler. Pour nous rappeler. لا نغتر ولا يغرنكم بالله الغرور. لأن الذي يغتر, celui qui se fait tromper et qui pense que cette dunya peut le pousser à sa perte. قال رحمه الله وإما بأن يهدى للإسلام ولكنه يبتلى إما بفقر ينسي أو غنى يطغي وكلاهما ضرر ونقص كبير. نعم, إما tu peux trouver واحد, c'est un مسلم لكن il est éprouvé par une pauvreté extrême. Et ça, c'est une fitna كذلك. C'est pour ça qu'on doit demander à Allah سبحانه وتعالى من فضله. لأن certains la pauvreté extrême كذلك, elle les pousse à oublier leur dîn. Tellement qu'ils ont des manques, ils pensent plus qu'à subvenir à ces manques et ils oublient leur dîn ou une partie de leur dîn. Et d'autres, c'est quoi? C'est rina yutri. Et tellement qu'ils ont de l'argent, ils dépassent les limites. Wa kilahuma darar wa naqs kabir. Wa imma bi an yahsul lahu ar-rizq al-kafi muwassa'an aw muqaddaran walakinahu la yaqna' bi rizqillah. Je trouve une troisième catégorie. C'est des musulmans et ils ont de quoi leur suffire, lakin ils ont un manquement dans le troisième point. Ils n'ont pas de qana'a. Ils ne sont pas touchés par une pauvreté extrême ou par une richesse excessive. Là. Lakin, ils ont un manque de qana'a. Qala, wala yatma'innu qalbuhu bima ataahu Allah, fa hadha faqirul qalb wal nafs. Et celui qui n'est pas satisfait de ce que Allah lui a donné, même s'il a la base de quoi le suffire, fa hadha samin afqarul nas. هذا il est considéré comme pauvre du cœur. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى النفس. Et dans d'autres riwayats, غنى القلب. La véritable richesse, c'est la richesse du cœur. La richesse du cœur avec l'iman, la foi, avec l'ikhlas, avec le tawhid, avec l'ilm. C'est ça la véritable richesse. L'insan qui a un manque de qana'a, en haqiqa, il est pauvre. Et quand il fait dunya, s'il a ce manque de qana'a, il n'est jamais rassasié, il voudra toujours plus. Enfin, il se comportera, il réfléchira, il avancera comme si c'était un pauvre, alors qu'il a. قال فإنه ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى القلب كما جاء في الحديث. قال فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر. كم من صاحب ثروة. Des gens, ils ont énormément de richesses. وقلبه فقير متحسر. Et son cœur, il est pauvre. Il veut toujours plus. Il se plaint toujours. Il n'est jamais satisfait. Alors qu'il est riche. قال وكم من فقير ذات اليد وقلبه غني راض قانع برزق الله. وكم من الناس. Il ne possède pas grand chose. Certains, ils ont vraiment le minimum. لكن ils ont هذه القناعة. Ils sont satisfaits de ce que Allah سبحانه وتعالى leur a donné. Cette satisfaction, elle pousse à une autre khasla, azim, al-shukr. Ils sont satisfaits, كذلك ça les pousse à la reconnaissance. Ils sont reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. فهؤلاء c'est من أغنى الناس. هؤلاء ils sont riches. Ou alors si tu les vois en apparence, ils ont des manquements, ils sont riches. لماذا? لأنهم ils sont satisfaits et ils sont reconnaissants. قال في الحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ذيقها وفقرها وبين فقر القلب وحسرته وحزنه بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسعى لراحة القلب وسكونه وطمأنينته والله أعلم. Ça c'est حال الحازم. Comme on fait des efforts pour avoir de quoi vivre, de quoi subvenir à nos besoins, كذلك on doit faire des efforts pour nourrir ce cœur, pour que ce cœur il soit apaisé, pour que ce cœur il soit tranquille. لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Dans notre corps, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a un morceau de chair, s'il est bon, tout le reste, il sera bon. C'est un autre rappel. في أن المهم, c'est de corriger ce cœur, de purifier de ce cœur. Si ce cœur il est bon, on aura des facilités dans l'ilm, dans la science, dans notre recherche de la science. On aura des facilités dans l'adoration. On aura des facilités fi umur ad-dunya. Si on est touché par la pauvreté, on patientera. Si Allah il nous ouvre les portes, on sera reconnaissant et on sera satisfait. Al-khayr kullu, c'est par rapport à ce cœur. On ne doit pas le négliger. C'est pour ça que hadhihi al-abwab sont très très importants. Amma, si on fait passer nos poches et notre ventre avant notre cœur, هذا c'est tariq al-halak. Ça c'est le chemin qui pousse l'insan à sa perte. Wa li kulli ummatin fitna wa fitnat hadhihi al-umma c'est le mal, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chaque umma a une fitna. Et la fitna de cette communauté, c'est l'argent. Fal-hadri ikhwan, surtout nous on vit à une époque l'entourage il n'aide pas. Vous avez remarqué que l'entourage pour eux, si tu as réussi pour eux, c'est que tu es à 100% dans le dunya. On vit dans une époque où كثير من الناس ils reconnaissent pas فضائل العلم واتباع السنة, le fait de rechercher la science, de faire des efforts pour l'akhira, sans négliger ce bas monde. Lakin عند الكثير, à notre époque la réussite c'est de se mettre 100% في هذه الدنيا. فالحذر, on fait attention de ne pas suivre la vague. On fait attention à nous-mêmes, à nos enfants, et on doit faire des efforts. C'est un jihad azim pour appliquer قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. Et bien sûr, si tu suis ces hadiths avec la compréhension de savants de l'islam, tu seras directement considéré et tu le ressentiras sur toi-même. Et les autres kadaliques, ils te traiteront comme un gharib, comme un étranger. Les malades, tu ne réfléchiras pas comme eux. Tu n'auras pas les mêmes objectifs qu'eux. Directement, tu seras considéré comme gharib. Wa ni'ma hadha al-gharib. Ni'ma hadhihi al-ghurouba. Celui qui a cette étrangeté, al-gharib, c'est quelqu'un d'étranger. C'est une ni'ma azim. Amma kalam al-nas, que les gens ils acceptent ou ils refusent, ça ne change en rien la réalité des choses. Il y en a l'objectif de chacun de nous, ça doit être l'au-delà. Est-ce qu'on va réussir Amla? Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi. Fahada kalamun jamil. On vient de terminer de Shir Sa'di rahimahullahu ta'ala dans Bahjat Quloub al-Abrar. Donc on a lu Hadith Ibn Umar Kun fi dunya ka annaka gharib, et on a ajouté حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أهدى. الحديث اللي في صحيح مسلم, فالحمد لله. ثم قال الإمام ابن حبان رحمه الله وأنشدني ابن زنجي البغدادي أقول للنفس مهما ضيقت فاتسعي فعسر يومك موصول بيسر غدي ما سرني أن نفسي غير قانعة وأن أرزاق هذا الخلق تحت يدي. كلام جميل. قوله أقول للنفس مهما ضقت فاتسعي. On doit essayer d'éduquer هذا النفس. Même si أحيانا on traverse tous des périodes difficiles, خاصة ما يتعلق بالمال. Des fois tu as moins. Des fois, tu es éprouvé par certaines choses. On doit essayer d'éduquer هذا النفس. كما قال الشاعر, أقول للنفس, je dis à mon nefs, مهما ضقت فاتسعي. Quand tu ressens que ta poitrine elle se resserre à cause de certains problèmes, certains soucis, après ces soucis, il y aura الفرج. قال فعسر يومك موصول بيسر غدي. Aujourd'hui une difficulté et demain une facilité. كما قال الله عز وجل إنما العسر يسرا. Avec l'usr, avec la difficulté, il y a forcément une facilité. Si on est prouvé par هذا, et ça aide à avoir هذه القناعة, ça aide à patienter. La difficulté ne reste pas. قال عز وجل dans un autre verset سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا c'est حكم الله سبحانه وتعالى. Chaque fois qu'il y a une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à ce abd une facilité. قال ما سرني أن نفسي غير قانعة وأن أرزاق هذا الخلق تحت يدي. Même si tu possèdes beaucoup, لكن si tu n'as pas cette قناعة dans ton cœur, أخي الكريم, والله كما تقدم معنا, c'est comme si l'insan il était pauvre. Il y en a, il voudra toujours plus, ça ne s'arrêtera jamais. Celui qui a un salaire de temps, il voudra encore plus. Et s'il est attiré, il a هذا الطمع, comme on a vu précédemment, même s'il a, il aura des agissements d'un pauvre, d'un طمع, de quelqu'un qui pense qu'à dunya. قال أبو حاتم رحمه الله من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرا القناعة وليس الشيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء. Ça c'est من أعظم المواهب. الموهبة, le pluriel هنا مواهب, الهبة c'est quelque chose, c'est un don, quelque chose qu'on te donne. Enfin, parmi les choses les plus importantes que Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses serviteurs, c'est le qana'. Et c'est une cause, comme il dit, وليس شيء أروح. أروح هنا c'est بمعنى, c'est le même sens que الراحة, c'est le même mot, la même racine. الراحة c'est le calme, être reposé, apaisé. للبدن من الرضا بالقضاء. Tu veux être reposé, أخي الكريم. Tu veux t'écarter des soucis. Travaille ce point. Ce point important min arkan al-iman. Al-qada ou al-qadar. Celui qui est qawi fi hadha al-bab, il aura des facilités dans beaucoup de choses. Il est touché par la pauvreté, patientera, c'est min qadarillah. Il est touché par la maladie, patientera, c'est min qadarillah. Il a perdu un proche, il patientera, ça fait partie du destin. Bien sûr, en faisant les causes. On ne doit pas négliger les causes dans tous les cas. Lakin, les causes, et on sait que c'est que des causes. Lakin, l'iman ou l'yaqin, c'est fi hada. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Qala, wa thiqa bil qasim. Al-qasim, c'est Allah. Ay, alladhi qassama al-arzaq bayna ibadih. Fa, al-thiqa bih. قال بعض السلف انهم واحد من السلف il était touché par la pauvreté et par certains manquements et كان هو واحد il lui a fait certains reproches et ce salaf il lui a dit pour lui montrer الثقة انه il a totalement confiance en Allah, il lui a montré ان الله سبحانه وتعالى c'est lui qui donne au khinzir et au porc ou al qird et au singe. Les porcs et les singes, ils ont un risque à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Ils mangent, ils boivent. Et هكذا, Allah subhanahu wa ta'ala donne à chacun son risque. هذا الإمام, il a fait comprendre à هذا الإنسان أن الله subhanahu wa ta'ala, chacun donne le risque. فلهذا, on doit patienter. فقط. Et celui qui a القناعة, فلا شك أن cette قناعة va l'aider. قال ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. نعم, si aurait comme mérite, comme bienfait dans le qana'a, que هذا, l'insan, il va se reposer, il va être tranquille, ça serait quelque chose d'énorme. Mais balouk, avec tous les mérites, on en a cité certains, ça y a-t-il ma'ana, شيء من هذا, Inch'Allah. ثم قال رحمه الله, la page suivante, العاقل يعلم أن الأقسام لم توضع على قدر الأخطاء وأن من عدم القناعة لم يزده المال غنى. Celui qui a un manque dans le qana'a ou qui n'a pas de qana'a du tout, le fait qu'il gagne plus d'argent, ça ne va pas l'enrichir. أبداً. بل كلما il gagne de l'argent, كلما il voudra encore plus. Et comme Atakaddam Ma'ana, vu qu'il n'est pas reconnaissant, vu qu'il n'a pas cette qana'a, il n'est jamais satisfait, il veut toujours plus, il restera toujours pauvre. Ou alors il a des millions. Bel ba'duhum. Et hala c'est min ajaib ad-dunya. Anna ba'duhum. Ils ont beaucoup d'argent. Dans des comptes en banque, dans des placements, dans des investissements. Et tellement qu'ils n'ont pas de qana'a. Ça les pousse à avoir peur. Avoir peur de l'avenir. Et tellement qu'ils serrent la vis, tellement qu'ils sont avares, ils ont et ils vivent comme des pauvres. Et ils ne profitent pas de leur argent. Qu'ils vont mourir, ils vont tout emmener avec eux. Alors que s'ils meurent, leurs enfants, leurs proches, ils vont tout partager en quelques jours. Ça, c'est min ajaib ad-dunya. Au lieu de faire du khayr, celui qui a l'argent, au lieu d'en profiter, en faire profiter les siens, faire du khayr, fi sabilillahi azza wa jal, Le manque de, de qana'a. Ça va pousser à l'avarice. Et cette avarice, ayyadan billah, c'est une maladie. Qala rahimahullah, fatamakkunul mur min at-taqlil min al-mal ma'a qillati al-ham ahna min al-kathir dhi at-taba'a. Ça c'est important que d'alik. At-taqlil min al-mal ma'a qillati al-ham. Vaut mieux avoir peu. Si tu as peu, tu auras beaucoup moins de soucis. Et ta'ammal fi hal ba'd al-athriya, des hommes très riches, des hommes d'affaires, ba'dhum ils n'arrivent plus à dormir. Ba'dhum ils ne passent plus de temps avec leurs enfants. Ba'dhum ils n'ont pas de répit, de repos. Ils sont fait mashakil, hatta ils sont atteints par certaines maladies. Qala, avoir peu sans souci, c'est mieux que avoir beaucoup. Min al-kathir dhi at-taba'a. Et kadhalik al-kathir, ça va impliquer des choses. Huna il emploie le mot taba'a. Vous connaissez le mot yatba'a, at-tabi'a, at-tabi'i. C'est ceux qui ont suivi. Enfin, cet argent, il y aura des conséquences. Cet argent, est-ce que awwalan tu as sorti la zakat? Thaniyan, est-ce que tu dépenses cet argent fi al-halal? Beaucoup de choses. Enfin, c'est une épreuve. Il vaut mieux avoir peu, ne pas avoir de soucis et ne pas avoir de compte à rendre sur beaucoup d'argent yawm al-qiyamah qu'avoir beaucoup. Et ces sommes énormes, avec tous les soucis que ça cause, il y aura des comptes à rendre. فَلَا تَزُولْ قَدَمْ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَ حَتَّى يُسْأَلْ عَنْ أَرْبَعَ. Chaque être humain يَوْمَ الْقِيَامَ il sera interrogé sur quatre choses, et parmi ces choses, عَنْ مَالِهِ فِيمَ اكْتَسَبَهُ أَوْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ. Et cet argent, comment il l'a gagné? Est-ce que c'est fi halal ou là? Et où est-ce qu'il l'a dépensé? Est-ce qu'il a sorti la zakat? Est-ce qu'il l'a dépensé dans le halal? Etc. Donc ne pas penser que la richesse c'est forcément un bien. Wallahi, ça peut être un énorme mal. Et ne pas penser que la pauvreté c'est forcément un mal. Ça peut être un énorme bien pour l'abd. Ala kulli hal al-insan, vu qu'il ne connaît pas l'invisible, vu qu'il ne connaît pas al-qadr, à l'avenir, ce que Allah lui a décrété, l'insan il doit avoir cette qana'a, être satisfait. Probablement Allah subhanahu wa ta'ala il ne t'a pas donné beaucoup, c'est pour te préserver. Peut-être que si tu aurais de l'argent, ça te ferait beaucoup de mal. L'insan ala kulli hal, il doit ahmed Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Tout ce qu'il fait, azza wa jalla, c'est avec sagesse. S'il t'a donné, n'oublie jamais que Allah c'est le hakim. C'est un bien pour toi. Et même si tu as peu, avec le qana'a et avec le shukr, la reconnaissance, n'oublie pas, قول النبي صلى الله عليه وسلم, كن في الدنيا كأنك غريب. Ne pas oublier كذلك أن cette dunya Allah سبحانه وتعالى il la donne à ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment pas, كما جاء في الحديث. كذلك ne pas oublier أن المؤمن son objectif, كما تقدم معنا كثيرا, c'est l'au-delà, c'est de rentrer au paradis. Au paradis, le musulman il aura tout ce qu'il veut. Enfin, ne pas penser que المؤمن il est privé de cette dunya. أبدا. Cette dunya, c'est pas dar al-qarar, c'est pas quelque chose qui va rester. Là, ce qui restera, c'est le jannah. Enfin, profite, et plutôt prépare ta place fil jannah. Ba'duhum, à cause de at-tama, à cause de cet amour de dunya, cette course aux richesses, comme a qala azza wa jalla, al-hakum al-takathur, à cause de tout cela, ils ont oublié de préparer l'essentiel. L'être humain, il aime profiter, il aime le confort. Il aime manger, boire, il aime toutes ces choses d'être humain. Lakin al-muwaffaq, c'est celui qui prépare ces choses qui resteront éternellement. Tu trouves, Wardanaz, maintenant, toute leur vie, ils préparent, une partie de leur vie, ils préparent un diplôme. Thomas, quand ils ont ce diplôme, une autre partie de leur vie, ils préparent pour avoir une place. Quand ils ont cette place, ils auront encore un autre objectif. Maintenant, monter en grade dans leur domaine. Un jour, ça s'arrêtera. Ça va durer 30, 40, 50 ans avec tous les problèmes, tous les soucis que ça comporte. Et ils oublient l'essentiel. Amma al-muwaffaq, ils préparent dar al-khuld. Fiha ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ils préparent sa place fil jannah. Fil jannah, il y a des choses qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur n'a pensé. C'est dar al-abrar. C'est dar al-qarar, c'est dar al-fawz, c'est dar al-muttaqin, al-muflihin. Ça montre anna, dans tous les cas, l'être humain doit faire des efforts. Kullu nas yaghdu. Tout le monde, Le matin, on doit avoir des objectifs. Et ma, on aura des objectifs que de ce bas monde, et ma des objectifs pour l'akhira. Et si on a des objectifs pour l'akhira, sans négliger notre part dans ce bas monde, fais tout pour que tu fasses partie de ceux qui avancent et qui préparent l'au-delà. Wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq lil jami'. قال رحمه الله والعاقل ينتقم من الحرص بالقنوع كما ينتصر من العدو بالقصاص. العاقل ينتقم من الحرص بالقنوع. لماذا؟ لأن ton cœur il sera partagé entre ces deux choses. الحرص أي espérer, courir après les richesses de ce bas monde, faire des efforts pour الدنيا. Et d'un autre côté, كما قال القنوع أي avoir القناعة. Et ça, c'est min al-jihad. Dans ton cœur, tu auras ces deux choses. Donc, c'est une lutte permanente. Éduquer ce nefs, s'habituer à se contenter du peu, accepter, être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. قال لأن السبب المانع رزق العاقل هو السبب الجالب رزق الجاهل. وأنشدني محمد بن سعيد القزاز قال أنشدنا محمد بن خلف التيمي قال أنشدني رجل من خزاعة رأيت الغنى والفقر خطين قسما فيحرم محتال وذو العي كاسب فهذا ملح دائب غير رابح وهذا مريح رابح غير دائب. وهذا الكلام جميل صحيح. Tu trouves بعض الناس ils font beaucoup d'efforts pour avoir et ils ont peu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Tu trouves Adam du matin au soir, ils pensent qu'à dunya, ils font des efforts et à la fin du mois, ils sont pas plus que les autres. Limadha li anna Allah subhanahu wa ta'ala min hikmati, il a décidé qu'un tel il aurait tant comme risque. Tu trouves un autre, wadhul 'i kasibu. Tu trouves un autre, il fait moins d'efforts pour une raison quelconque et il a pareil au plus. C'est min Allah azza wa jalla. Li anna Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. عز وجل قال وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش إذا المرء لم يقنع بعيش فإنه وإن كان ذا مال من الفقر موقر. هذا تقدم معنا أن celui qui n'a pas cette qana'a, même s'il possède beaucoup, même s'il a énormément d'argent, il sera considéré comme pauvre. Et la raison تقدمت. قال إذا كان فضل الناس يغنيك بينهم فأنت بفضل الله أغنى وأيسر. فضل الله سبحانه وتعالى. إذا كان فضل الناس يغنيك بينهم, نعم, si quelqu'un t'aide من الناس, ربما ça peut être utile, فما بالك بفضل الله. C'est pour ça qu'on doit placer notre confiance en Allah. On doit espérer من الله عز وجل. فسي لوي الرازق الرزاق. C'est lui ذو الفضل العظيم جل وعلا. C'est lui الغني. Il donne à qui il veut. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي قال حدثنا محمد بن الوليد بن أبان قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن المبارك يقول مروءة القناعة أفضل من مروءة الإعطاء. صحيح. لأن الإعطاء on peut te donner un jour. الإعطاء c'est le fait de donner. On peut te donner un jour, tu peux recevoir telle chose, mais si tu n'as pas le qana'a, tu voudras toujours plus. Et كذلك هذا العطاء, cette personne qui te donne, ça peut s'arrêter. كذلك tu peux être éprouvé بشيء من الفقر. C'est pour ça que muru'atul qana'a elle est afdal. C'est pour ça que le qana'a c'est beaucoup mieux. Le qana'a dans n'importe quelle situation que tu te retrouveras, richesse ou pauvreté, tu seras à la khair. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح. Le hadith qu'on a lu précédemment. Qad aflah, c'est la réussite. N'ai aucun doute fiyad. Amma al-i'ta, c'est autre chose. S'il n'y a pas de qana'a, s'il n'y a pas de reconnaissance. Qala Abu Hatim rahimahullah, al-qana'atu takun bil-qalb. Faman ghaniya qalbuh, ghaniyat yadah. Al-qana'a, c'est dans le cœur. Et celui qui a cette qana'a, il sera riche. Il sera riche du cœur. Et s'il est riche du cœur, il sera riche. كذلك avec ses membres. Vous avez remarqué que بعض الناس, ils ont cette qana'a. Ils sont satisfaits de ce que Allah il leur a donné. Et ils ont très peu. Et tu les trouves, ils ont min al-karam, wal-jud, Mallahu azza wa jal bihi alim. Je trouve ils ont peu et le peu qu'ils ont, ils le partagent. Les mains, les anahum, ils sont riches. Ils sont riches du cœur et ça les pousse à agir comme des riches. Ils donnent. Wa bil'aks, certains, ils n'ont pas cette qana'a. Donc ils espèrent toujours plus. Et ils ont des sommes énormes, lakin ils sont pauvres du cœur et ça les rend avares. Enfin, ils agissent comme des pauvres. Ils ne donnent pas qu'à anahum, ils n'ont rien. Alors qu'ils possèdent. قال ومن افتقر قلبه لم ينفع غنى ومن قنع لم يتسخط ومن افتقر قلبه celui qui est pauvre du cœur لم ينفع غنى même s'il est millionnaire ça ne se verra pas et كذلك ça sera des preuves contre lui يوم القيامة قال ومن قنع لم يتسخط لماذا لم يتسخط il ne se plaindra pas celui qui a cette قناعة encore moins du qadar. Pourquoi ? Parce qu'il a cette qana'a, il a cette aqida. C'est Allah qui donne. Et Allah il m'a donné tant. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'alim. Wallahu ya'lam, wa antum la ta'lamoun. Allah il sait, nous on ne sait pas. Enfin, tu ne sais pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a rizq que tant. Ma tadri. Lakin Allah ya'lam. Et Allah, c'est lui l'hakim, et c'est lui l'rafiq, et c'est lui l'karim. On doit avoir hada... الحسن حسن الظن بالله عز وجل قال وعاش آمنا مطمئنا et ça c'est une ni'ma عاش آمنا il vit en paix et كذلك avec l'itmi'nan مطمئنا أنه il est reposé même s'il n'a pas beaucoup il sait que c'est qu'une étape قال ومن لم يقنع لم يكن له في الفوائد نهاية لرغبته والجد والحرمان كأنهما يصطرعان بين العباد أما celui qui n'a pas cette قناعة il ne sera jamais rassasié. On a déjà cité hadith Anas ibn Malik رضي الله عنه plusieurs fois. On le répète هنا لأن فيه فوائد كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غنى في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. Celui qui a cette قناعة dans le cœur. Et vu que, comme a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, الآخرة c'est son hum, son objectif c'est l'au-delà. Donc cet objectif ça va le pousser à avoir le قناعة, ce que Allah lui a donné comme subsistance, il va être satisfait. Enfin, ça va le pousser à quoi ? قال من كانت الآخرة همه جعل الله غنى في قلبه. Allah subhanahu wa ta'ala il va mettre la richesse dans son cœur. وجمع له شمله. Allah subhanahu wa ta'ala يجمع له شمله. Le peu qu'il a, c'est très très bénéfique, très très profitable. De la baraka dans son argent, de la baraka dans ses enfants, de la baraka dans son ilm, de la baraka dans son adoration, dans ses efforts. Allah subhanahu wa ta'ala جمع شمله. Il n'est pas éparpillé. Ce qu'il fait, il y a du khayr. L'imam Al-Yanahu s'est fondé sur la sincérité, sur cette aqidah, il pense à l'au-delà. Et kadalik, c'est dunya qui va venir à lui. Ce n'est pas lui qui va suivre, qui va courir après dunya. Al-ulama, ils ont expliqué, qalu dhalila, tabi'atun lah. Al-dunya, elle va venir, inda hadha shakhs, dhalila, humilié, rabaissé. Et c'est elle qui va suivre. Enfin, ce mu'min, il va utiliser cette dunya pour l'akhira. C'est lui qui va dominer cette dunya bi'idnillah azza wa jal. Mathalan, quand c'est l'heure de la salat, il fait la salat. L'imam, il y en a cette dunya qui est venue à lui, enfin, c'est lui qui s'en sert pour l'au-delà. C'est pour ça que hadhihi dunya dhalila, elle est rabaissée, elle est humiliée. Ça, c'est le premier cas. Richesse dans le cœur, on n'oublie pas pourquoi. Pourquoi les anna al-akhira c'était son ham, ses soucis, son objectif c'était l'au-delà. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala il lui facilite ce bas monde. قال ومن كانت الدنيا أهم. L'inverse. Celui dont l'objectif c'est que الدنيا. Il pense qu'à الدنيا. Ses efforts c'est que pour ce bas monde. جعل الله فقره بين عينيه. Allah subhanahu wa ta'ala il place la pauvreté entre ses deux yeux. Ça veut dire quoi, Hada ? Ça veut dire qu'en face de lui, il ne voit que la pauvreté. Même s'il a, il a peur de l'avenir, il a peur de ne plus avoir d'argent, et il pense qu'à cela. Et tu le vois, Hada, dans les agissements de certains. Anhum, ils parlent, ils agissent, ils avancent, qu'anhum, ils sont pauvres ou ils vont devenir pauvres à tout un instant. Alors qu'ils ont beaucoup, au lieu d'être reconnaissants et faire du bien, ils ont cette peur dans le cœur. Qala, wa furraq alayhi shamla. Kadhalik, Allah subhanahu wa ta'ala, yu furraq alayhi shamla. Il n'y a pas de baraka. Ba'dannas, ils ont de l'argent, lakin, vu qu'ils pensent qu'à dunya, cet argent, il n'y a pas de baraka. Des problèmes de justice, des problèmes de santé, la peur dans le cœur, des problèmes dans le travail. Comme il a, lakin, il n'est pas reposé. Tu trouves wahed qui a beaucoup mieux, beaucoup moins, il a une vie meilleure. Qala alayhi salatu salam, wa lam yati min ad dunya illa ma qutira lah. Et il aura de dunya que ce que Allah lui a décrété. En Obama, il peut faire des énormes efforts et à la fin, il a peu. Hada al-hadith, c'est un hadith azim. Rawahu al-imam al-Tirmidhi et al-imaman al-Albani wa al-Wadi'i, ils l'ont sahih dans leurs ouvrages. On conclut avec ce dernier passage. Qawluhu akhbarana Muhammad ibn Uthman al-Aqabi qala haddathana Ibrahim ibn Mahdi al-Ubulli qala haddathani Muhammad ابن يحيى ابن أبي عمر قال سمعت سفيان ابن عيينة وذكر عنده الفضل ابن الربيع وضرباؤه فأنشأ سفيان يقول donc les vers de poésie c'est Sufyan ابن عيينة qui les a cités. قال كم من قوي في تقلبه مهذب الرأي عنه الرزق منحرف ومن ضعيف العقل مختلط كأنه من خليج البحر يغترف كم من قوي. القوة هنا ça peut être قوة البدن كذلك dans ses efforts. C'est pour ça قال كم من قوي في تقلبه. Et combien de gens ils font énormément d'efforts pour cette dunya. مهذب الرأي عنه الرزق منحرف. Il fait des projets, il fait des calculs, etc. لكن الرزق عنه منحرف. Et le risque s'écarte de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété qu'il aura tel risque, malgré tous ses efforts. Et tu trouves, wahid, il est daif. Il n'a pas les compétences d'un autre. Il ne peut pas faire des projets, il ne peut pas faire de calculs, il ne peut pas. Mouhim, il a des faiblesses. Ka'annahu min khalijil bahri yaghtarifu. Ka'annahu, il prend. C'est bien de l'argent, comme Wahed, il récupère de l'eau de la mer. Tu veux de l'eau et tu es au bord de la mer, tu prends un récipient et tu prends l'eau que tu désires. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne. Alors qu'ils n'ont pas certaines compétences, ils ont des faiblesses. Ça nous montre quoi ? Ne pas croire que cet argent qu'on a, ces biens qu'on possède, c'est grâce à notre intelligence, ça vient de nous et on oublie Al-Khaliq Al-Razzaq Jalla wa'ala. Qala Abu Hatim rahimahullah, man naza'athu nafsuhu ila al-qunu' thumma hasada an-nas 'ala ma fi aydihim falaysa dhalika liqana'atin wa la lisakhawa bal li'ajzin wa fashal. Hada taqaddam ma'ana. Celui qui pense qu'à avoir les biens d'autrui sans faire les causes, at-tama'a. Hada c'est min al-'ajz. هذا إلى des faiblesses. قال ومثله كمثل حمار السوء الذي يفرح بخفة حمله ويحزن إذا رأى العلف يؤثر به ذو القوة والحمل الثقيل فالقانع الكريم أراح قلبه وبدنه والشريح اللئيم أتعب قلبه وجسمه والكرام أصبر نفوسا كما أن اللئام أصبر أجسدا. أي نعم. Conclusion, cette qana'a, elle va pousser cette rajoula ou cette mar'a à se reposer, à être satisfait du peu, à se consacrer à l'objectif principal et à l'essentiel, et préparer l'au-delà, préparer la tombe, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre notre religion, faire du khayr, s'entraider dans le bien, s'écarter de al-ashrar. Vous avez remarqué que certains gens, ils ont plus de temps pour leur din. Limada, هذه القناعه. Cette qana'a qui a été affaiblie ou qui a disparu عند البعض. Leur vie كأنهم ils ne vont pas être ressuscités. كأنهم ils n'ont pas été créés pour adorer Allah عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبعض الناس travaillent du matin au soir. Et pardon, ils rajoutent un deuxième travail. Pour moi, quand ils ont du repos, c'est le bon temps, les vacances. Voilà salat, voilà ilm, voilà ta'awun, voilà shi. Prends l'exemple de Al-Kafara Al-Fajara. Ils ne vont pas être ressuscités. Et بعض المسلمين للأسف تأثروا بهؤلاء. C'est un musulman. Et il a du bien en lui parce que c'est un musulman. Mais il a d'énormes faiblesses. Enfin, il se comporte comme les ennemis de l'islam. Avec un manque de sérieux. Pour finir, نقرأ un كلام طيب de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah dans le Sharh al-Hilya. حلية طالب العلم de Cheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah. Et c'est un rappel mufid لأن ce livre c'est des conseils pour talabat al-ilm, pour les étudiants en sciences. Et parmi les conseils, les points importants que talib al-ilm il doit mettre en application, il a cité al-qana'a. Ah, c'est le chapitre qu'on vient de lire ensemble. Il a cité plusieurs points. Il a cité al-fasl al-awwal adab talib al-ilm fi nafsi, les comportements que talib al-ilm doit avoir en lui-même. Il a cité مثلاً al-ilm ibad, mettre en application son ilm. Et il a cité plusieurs points, la sincérité, etc. Et parmi ces points, كذلك suivre les salaf, كذلك ملازمة خشية الله, craindre Allah. Al-muhim, le sixième point, il a cité al-qana'a. والزهد القناعة والزهد الزهد يترجم par l'ascétisme et craindre Allah, faire des efforts, faire l'ibada, etc. القناعة c'est le chapitre qu'on vient de voir, se satisfaire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى التحلي بالقناعة من أهم خصال طالب العلم. Avoir هذه القناعة dans le cœur, c'est min ahem khisal talib al-ilm. Ça fait partie des caractéristiques essentielles pour l'étudiant en science. Limada, li anna al-qana'a, c'est min a'zam asbab al-thabat ala al-haq. Si talib al-ilm, il a cette qana'a dans le cœur, c'est une énorme cause pour rester sur la vérité. Limada, li anna talib al-ilm, son nefs, elle va essayer de le pousser à délaisser la science. Pourquoi tu ne travailles pas comme les autres? Pourquoi tu fais tant de sacrifices? Pourquoi tu ne profites pas un peu? Pourquoi? Et si ce talib al-ilm, il n'a pas cette qana'a dans le cœur, rubbama, il veut suivre les autres, et il délaisse cette énorme ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné, al-ilm, la science, et il se fera beaucoup de mal. Deuxième point, كذلك, un talib al-ilm, vu qu'il est fait ni'ma azima, il aura beaucoup d'envieux, beaucoup de jaloux, et كذلك, beaucoup d'ennemis min ahli al-kufr wa kadhalik min ahli al-bid'a wa al-ahwa. Ils essaieront de le combattre avec al-mal. Talib al-ilm, il est beaucoup combattu avec l'argent. Encore plus comme on a expliqué dans le dernier dars avec al-jam'iyyat al-hizbiyya. Annahu pour délaisser le khayr, pour lui imposer certaines choses, pour qu'il reste dans une certaine norme que eux ils ont établie, ils vont essayer de lui donner de l'argent pour affaiblir son cœur, thumma le manipuler. فلهذا العلماء يزنسست أن التحلي بالقناعة avoir ce comportement, هذه الخصلة dans le cœur, c'est من أهم خصال طالب العلم. قال الشيخ ابن عثيمين معنى أن يقتنع بما آتاه الله عز وجل. Ça veut dire quoi? القناعة c'est qu'il soit satisfait, il accepte ce que Allah lui a donné. Comme on a vu dans حديث عبد الله بن عمر. قال ولا يطلب أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين. Vu que Allah lui a donné cette ni'ma, et là, je sais qu'un talib al-ilm en général, ça va impliquer des sacrifices et des manquements dans certaines choses. Mais un talib al-ilm, ils sont fiqhés. Lakin, vu que tu te consacres à la science, tu ne pourras pas avoir comme certains. C'est normal, tu fais des efforts dans la science. L'autre, il travaille nuit et jour. Enfin, il pourra, Obama, s'offrir des choses que toi, tu ne pourras pas. Enfin, il y a d'accord, le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, « Wala yatlub an yakun fi masaf al-aghniya wal-mutrafin. » Tu as fait un choix, Akhil Karim. Et c'est un choix tayyib, surtout celui bien sûr qui est sincère et qui met en application son ilm. Enfin, ne, N'essaye pas d'être comme Al-Aghniya ou Al-Mutrafin. Il est riche. قال لي أن بعض طلبة العلم وغيرهم تجده يريد أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين فيتكلف النفقات في المأكل في المأكل والمشرب والملبس والمفرش ثم يثقل كاهله بالديون وهذا خطأ. Ça c'est un point. طيب بعض طلبة العلم كما قال ils font des efforts dans l'ilm vu que c'est des طلبة العلم لكن en même temps ils veulent avoir le confort des riches, avoir comme les riches. Ça va les pousser à quoi? Ça va les pousser à vouloir vivre comme les riches, à y manger comme les riches. Tous les jours au restaurant, tous les jours telle nourriture. Kadhalik fil mashrab, kadhalik dans les habits, kadhalik dans le confort. Matalan chez lui. Et vu que pour cela, il faut énormément d'argent. Et où il se consacre au ilm. Donc, il n'a pas cet argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les portes de Adduyoun. Il ouvre les portes des dettes. Thumma, dette après dette. Thomas, ses dettes, elles deviennent énormes. Et yawmin al-ayyam, ça le pousse à délaisser le ilm pour rembourser les dettes, s'il arrive à les rembourser. Si ça ne le pousse pas au mensonge, à la trahison, بعد طلبة العلم, ils font des dettes dans des endroits. Thomas, ils n'arrivent plus à payer. Ils fuient, ils se sauvent. Ils vont dans un autre endroit. Et ils délaissent derrière eux cette injustice. Et cette personne qui leur a prêté. Ça, c'est min al-thulm. قال وهذا خطأ بل عليك بالقناعة. C'est quoi qui peut nous aider à repousser cette fitna de tomber dans les dettes et de vouloir vivre à un niveau qui n'est pas le nôtre? C'est القناعة. Avoir cette قناعة. J'ai choisi ce chemin. Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité, il m'a ouvert les portes. Falhamdulillah. J'ai pas le téléphone dernier cri, j'ai pas la voiture nouveau modèle, j'ai pas une maison comme un tel. Alhamdulillah, ce que j'ai, l'essentiel, ça m'aide à avancer fil ilm et à appliquer ce ilm, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à propager ce ilm. Fa tu es fi khayr azim. Lakin, il faut faire des choix, ya ikhwan. Qala, fa innaha khayr zad lil muslim. Thumma qal, nakhtasir. Thumma Cheikh Bakr Abou Zayd, il a rapporté. Qala, wa qad kana Cheikhuna, Muhammad al-Amin al-Shanqiti, al-mutawaffa 1393. ورحمه الله تعالى متقللا من الدنيا ثم المؤلف الى سيتي سيت اكزامبل الامام محمد الامين الشنقيطي صاحب اضواء البيان المفسر الزاهد المجاهد رحمه الله عليه il est connu عند عند عندكم ولله الحمد cet imam كان متقللا من الدنيا il a fait beaucoup d'efforts il était connu بهذا انه son objectif c'était pas الدنيا. Il prenait min ad-dunya ce qu'il a besoin. Faqat. قال وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية. Il est mort en 1393. Il y a une cinquantaine d'années. Il est mort dans les années 60, 70, rahmatullah alayh, du siècle dernier. Donc, il n'y a pas longtemps, en fait. On ne parle pas d'un imam qui était à l'époque des salaf. Là, il est à notre époque. Il ne connaissait pas al-umla al-waraqiyya, la valeur des billets. Il n'avait pas cette notion. Tellement qu'il était occupé bil-ilm. Qala, wa qad shafahani biqawlih, laqad ji'tu min bilad Shinqit. Shinqit, c'est la Mauritanie. C'est un Mauritanien, rahmatullah alayhi. Laqad ji'tu min bilad Shinqit, wa ma'i kanzun qalla an yujad 'inda ahad. Cheikh Bakr Abou Zayd, c'est un élève de l'imam Shinqit, rahmatullah. Et une fois, il lui a dit, je suis venu de Shinqit. De Shinqit, de la Mauritanie. Il a quitté son pays, la Mauritanie, et s'est installé fi al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saoudiyya, rahmatullah alayh. Et il a dit une fois à son élève, un de ses élèves, Cheikh Bakr, je suis venu de Shinqit avec un trésor. Et ce trésor, beaucoup de gens ils ne l'ont pas. Qal huwa al-qana'a. C'est la qana'a. Ce qu'on vient d'étudier ensemble fi Rawdat al-Uqala. قال رحمه الله ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ثم لمن شنقيتي لمن شنقيتي في partie de l'أذكياء de cette époque un homme très très intelligent مثل هؤلاء الأئمة il ne possédait pas beaucoup c'est pas par fainéantise أبدا هؤلاء ils dormaient des 2, 3, 4 heures par nuit se levaient très très tôt ils faisaient beaucoup d'efforts Enfin, c'est pas par faiblesse ou par fainéantise. Et ils avaient l'intelligence. Comme قال, s'il aurait voulu, il aurait atteint les hauts niveaux dans le dunya. C'est pas par manque de capacité. Lakin pourquoi il avait peu? Walakin il a outhir ad-dunya ala al-akhirah. Il n'a pas voulu faire passer cette dunya avant l'au-delà. Qala wala abdhulu al-ilm li nayl al-mara'ib ad-dunyawiyya. Kadhalik il n'a pas voulu se servir du ilm pour ad-dunya. On vit à une époque l'an, بعض السفهاء الجهال الضلال, ils n'ont pas d'ilm. Aslan, ils n'ont jamais étudié le ilm, ils n'ont pas senti l'odeur du ilm. Encore moins les assises avec ahlul ilm, avec les savants. Et tu trouves, haoula, au nom du ilm, ils gagnent. Leur objectif, c'est que de dunya. Des formations de un mois, avec le niveau qu'ils ont très faible. Et tu trouves, wahadi demande 200 euros, wahadi demande 500 euros, wahadi demande 800 euros. La course aux richesses, ayyadam billah. Et tu les trouves, ils ont un niveau de vie d'homme d'affaires. Tout ça au nom de la ta'wa. Et l'asaf, ils se montrent et ils se vantent. Hada, ils filment ses vacances. Hada, qu'annahum, c'est des stars. Qu'annahum, ils n'ont rien à voir avec l'ilm. Et c'est vrai, ils n'ont rien à voir avec l'ilm. Et plus étonnant que cela, tu trouves mina al-muslimin, qui aiment la science, qui aiment le bien. Et ils pensent que haoula, ils sont sur la vérité. Et ils payent. Ils payent pour apprendre quoi? Allahu a'lam. Al-bid'a wal-jahl wal-khurafat. Al-imam al-shanqiti rahimahullah. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dans le sharh qala wa Cheikh Shanqiti rahimahullah kama dhakara al-mu'allif kana min az-zuhad idha ra'aytahu la taqul illa annahu rajulun min ahli al-bahdiyah. Cheikh Ibn Uthaymeen l'a dit tellement que hada ar-rajul hada al-imam il a fait des efforts, il pensait à l'akhirah et son objectif c'était pas de dunya, lui il prenait de quoi manger, boire et se loger, ça lui suffisait. Hatta la valeur des billets il ne connaissait pas. Cheikh Ibn Uthaymeen l'a dit si tu l'aurais vu, si quelqu'un de vous l'aurait vu, tu aurais pensé que c'est min ahl al-badia, un homme parmi ahl al-badia. Et un bédouin, un vieux de la masse, sa façon de s'habiller, etc. Qala hatta aba'atahu rahimahullah aba'atun laysa fiha shay' min at-tan'am. Même ses vêtements, il était connu pour avoir des vêtements vraiment rahimahullah le minimum, de quoi se couvrir. Et ouais, il avait des autres choses dans son cœur. Il avait d'autres objectifs. L'imam Shankiti, rahimahullah, il est mort. Il est mort, on a dit, en 1393. À son époque, maintenant, si on prend cette année, 1393, il y a presque 50 ans, la Cheikh a des hommes riches, ils sont morts, Kadalik, à cette époque. Min al-kuffar, min al-muslimin, etc. Beaucoup de gens, ils sont morts. On se rappelle de qui, hein? Et on cite qui? On cite l'imam Shankiti. Ha'oula al-Athriya, ils ont délaissé leur richesse. Cette année, en 1393, quand ils ont été morts, leur richesse, elle a été partagée très très vite. Allahu alam, qu'est-ce qui en reste aujourd'hui? L'imam Shankiti, rahimahullah, il y a quelques années, ils ont imprimé tous ces livres dans une majmoua, dans une série, comme une encyclopédie, de plus de 20 volumes. Ilmun ghazir. Jusqu'à aujourd'hui, wa talabat al-ilm, wa al-ulama, même les savants, ils profitent des livres de l'imam Shankiti. Son livre, Adwa al-Bayan, c'est devenu une référence. Il a expliqué le Coran avec le Coran. Adwa al-Bayan. Il a expliqué le Coran avec des versets du Coran. Rahmatullah alayhi, c'est devenu la référence fil bab. Il est reconnu en c'est un imam fil din. Et encore plus, une de ses spécialités c'était at-tafsir. Et kadalik al-usul et la langue arabe. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamah. Hada satayib, limada ahlul ilmi sit. Ce genre de récit dans leur livre. Et là, en tant que musulman, en tant que sunni, encore plus en tant que talib ilm. Tu dois prendre exemple sur Ha'oula. Amma, tu veux étudier la science et ton regard il est tourné vers Ahl al-Dunya, tu te feras que du mal. Et on a cité l'exemple des Soufaha de notre époque. Ils ont voulu mélanger science et Dunya, ça a donné ce qu'on voit et ce qu'on entend aujourd'hui. Avec les innovations et l'égarement clair qui propagent, Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa salama, et naktafi bihada. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.